Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, 1995, la bataille de l'Élysée, l'affrontement entre Jacques Chirac et Édouard Balladur. Les deux hommes se connaissent depuis plus de 30 ans. Chacun incarne l'héritage politique du gaullisme à sa façon. Pendant des années, ils ont travaillé ensemble, main dans la main, au plus haut niveau de l'État. En coulisses, on disait d'eux qu'ils étaient devenus amis, qu'ils se faisaient confiance. Mais à la veille de l'élection présidentielle de 1995, le jeu de la politique, avec ses batailles d'égo, souvent ses débats d'idées, parfois, reprend ses droits. Les amis d'hier deviennent ennemis et sombres dans le règlement de compte familial le plus violent qui soit, car il est familial, justement. Comme le disait leur mentor commun, leur maître à penser, l'ancien président Georges Pompidou, « Occupez-vous de mes ennemis, mes amis, je m'en charge ». C'est cette vérité politique que messieurs Chirac et Balladur allaient durement éprouver à l'occasion de cette élection présidentielle de 1995. Cette histoire, c'est l'histoire d'une trahison, d'un parjure signé Balladur, et celle du combat solitaire et finalement gagnant pour Jacques Chirac. Après le récit, nous recevrons le directeur du journal Libération, Laurent Geoffrin, notre partenaire tous les 15 jours. Affaires sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec le journal Libération, préparée par Adrien Cara avec le soutien des documentalistes de Radio France, attaché de production Valérie Priolet, coordination Christophe Barrère, réalisation Fabrice Lègle, programmation musicale Muriel Pérez, à la technique aujourd'hui Michel Bézikian. Fabrice Drouel, Affaires sensibles. Sur France Inter. Il est 20h. Voici le choix des Français, le nom et le pourcentage de la victoire pour le nouveau président de la République. Cinquième président de la Ve République, Jacques Chirac, 52% des suffrages exprimés aujourd'hui. Lionel Jospin, 48% des suffrages exprimés. Le nouveau président de la République est donc M. Jacques Chirac, élu avec 52% des voix. C'est la joie, c'est la liesse, on peut le comprendre. Avenue d'Iéna, au siège du quartier général de M. Jacques Chirac. Je vous laisse écouter l'ambiance. Dimanche 7 mai 1995, à la télé, les Français découvrent le visage du nouveau chef de l'État. Cet homme, c'est Jacques Chirac. À 62 ans, il l'emporte avec une courte avance sur le candidat du Parti Socialiste, Lionel Jospin. À l'annonce des résultats, plusieurs dizaines de milliers de personnes se rassemblent sur la place de la Concorde. Dans la joie et l'allégresse, la foule afflue à vélo, en métro, à pied. Certains ont des drapeaux tricolores dans les mains, d'autres portent des banderoles au-dessus de leur tête. Ici, on entonne la Marseillaise, là, on scande, Chirac à l'Élysée, Mitterrand à Latché. Scène de victoire classique, un soir de second tour. Au palais de l'Élysée, le président sortant, François Mitterrand, suit avec beaucoup d'attention ce qui se joue à quelques centaines de mètres de ses fenêtres. Après 14 ans passés au sommet de l'État, record inégalé sous la Ve, il assiste à la fin de son règne, en direct, à la télé. Dans les minutes qui suivent l'annonce des résultats, il téléphone rue du Cherche-Midi au QG du candidat socialiste. Assis à son bureau, Lionel Jospin l'écroche. À l'autre bout du fil, François Mitterrand le félicite. « Certes, vous n'avez pas pu l'emporter ce soir, mais vous avez relevé le gant, vous avez redonné espoir à toute la gauche. » Lionel Jospin acquiesce. Il a retenu l'enseignement de François Mitterrand qui avait dit le soir de son échec contre Giscard en mai 1974 « Cette défaite est une promesse ». Le scrutin suivant, en 1981, lui avait donné raison. Le peuple, Jacques Chirac, il y a des choses qui vont entre nous. En ce 7 mai 1995, la nuit est tombée depuis peu à Paris. Les médias poursuivent leur grand messe électorale. Comme d'habitude, les débats se déroulent sur le mode « Nous avons perdu, mais nous sommes les meilleurs. La reconquête commence demain. » Comme à l'accoutumée, on se console avant le purgatoire qui doit durer 7 ans à l'époque. Enfin, c'est ce que tout le monde croit, car en réalité, les socialistes ne resteront dans l'opposition que 2 ans. Mais c'est une autre histoire. Le 7 mai, sur le coup de 20h, donc, personne ne sait où et quand le nouveau chef de l'État prendra la parole. Lorsque soudain, l'image à l'écran bascule. Le direct reprend ses droits et avec lui, les Français se retrouvent embarqués dans une folle équipée à moto en plein cœur de la capitale. Tout va très vite. Sur les images, on aperçoit une Citroën CX limousine grise escortée par des motards de la police. Aucun doute, ce véhicule, c'est celui du nouveau chef de l'État, Jacques Chirac. Il roule à très vive allure et tente de se frayer un chemin à travers la circulation. Présent à moto dans le cortège, le journaliste Benoît Duquesne raconte. Nous allons bientôt arriver au niveau de la place des Invalides. Avec à nouveau toute une meute de photographes, de reporters, de caméramans qui suivent donc la voiture du président de la République. Bah nous allons maintenant traverser la Seine, changer de rive, repasser rive gauche. Ce qui est assez étonnant à vue d'œil, c'est le manque de sécurité autour d'un homme qui est maintenant un chef de l'État. Et apparemment, il y a en tout et pour tout deux malheureux motards. Après, nous passons à la hauteur de la Concorde, devant l'Assemblée nationale. Et il emprunte le boulevard Saint-Germain. M. Chirac ne s'arrête pas, il continue. Lancé dans une course-poursuite à plus de 90 km/h dans les rues de Paris, le convoi du nouveau président de la République file à la lumière des gyrophares et au bruit des sirènes. Jacques Chirac, dont on aperçoit désormais la main sortir par la fenêtre, fait des grands signes aux passants. Les badauds applaudissent. Après plusieurs minutes à griller les feux rouges sur le boulevard Saint-Germain, brusquement la Citroën CX prend un virage serré à droite. Alors nous sommes rue de Seine. Le chef de l'État a fait arrêter sa voiture, ce n'était pas prévu, l'escorte n'était pas au courant. Madame voilà. Chirac sort de voiture. Madame Chirac, vous êtes en direct sur France 2. Est-ce que vous pouvez nous dire simplement un mot sur votre sentiment ce soir? Vous allez où, Madame Chirac, là? On peut savoir où vous allez, Madame Chirac? Et là, les motos sont reparties. La voiture de M. Chirac, avec M. Chirac à l'intérieur, bien sûr, a continué. Elle est partie à très très vive allure. 15 minutes plus tard, après avoir participé à l'une des premières grandes saillies de la politique spectacle, le cortège du nouveau président arrive à l'hôtel de ville. Jacques Chirac disparaît à l'intérieur du bâtiment. En cette soirée du dimanche 7 mai 1995, il est désormais un peu plus de 23 heures. Les débats se poursuivent à la télé. Dans les foyers, les pizzas sont un peu tièdes, la bière aussi. Et une question tourne en boucle. Jacques Chirac est président, bien. Mais qui sera Premier ministre? Journalistes, experts, y vont de leurs hypothèses. Et deux noms reviennent avec insistance, Philippe Séguin et Alain Juppé. Alors qu'on s'interroge, Jacques Chirac, lui, bouleverse une nouvelle fois le cours de la soirée. Il monte à la tribune dans le grand salon de l'hôtel de ville. Et le sourire qu'il arbore traduit la saveur particulière de sa victoire. Mes chers compatriotes, à l'heure où je parle, les résultats connus montrent que vous avez décidé de me confier la plus haute charge de l'État. J'exprime ma profonde gratitude à toutes celles et à tous ceux qui m'ont accordé leur confiance. Mes chers compatriotes, je serai le président de tous les Français. Enfin, il est président, ce Jacques Chirac, qui semblait n'avoir que cette idée en tête depuis la fin des années 60, taillé pour le rôle, obsédé par l'objectif. Les Français ont découvert ce grand échalas peu après mai 68, dans le sillage du président Pompidou, qui l'appelait son bulldozer. Puis ce fut le ministère de l'Agriculture qu'il marqua de son empreinte, un peu comme le fera ensuite Jack Lang pour la culture. Homme de droite, conquérant, populaire sans être populiste, Jacques Chirac, c'est l'homo politicus. Il parle politique, pense politique, agit politique, dort politique, probablement. Il est l'une des figures les plus familières de cette scène. Tous les Français ont quelque chose à dire sur cette mégastar qui a tout eu. Chef d'un grand parti, député, ministre, premier ministre, maire de Paris. Alors, après deux tentatives qui n'ont pas abouti en 1981 et 1988, 1995 était l'année Chirac. Oui, c'était son tour. Pourtant, son sourire et ses bras levés à la tribune de l'hôtel de ville traduisent moins un triomphe qu'un soulagement. car ils mettent un point final à une campagne qui fut d'une violence rare, opposant deux hommes que tout devait unir comme une anomalie qui va transformer l'exercice démocratique de la présidentielle en un épisode où les Borgia et les Médicis auraient eu leur place. Drame, attaque, coup bas. Une dramaturgie en deux actes et surtout l'histoire d'un homme qui relève la tête alors qu'à seulement 4 mois du scrutin, tout le monde donnait perdant, forcément perdant. Quoi qu'il arrive, j'irai jusqu'au bout dans cette campagne présidentielle, Monsieur Chirac. Vous n'avez pas l'intention de renoncer. Vous irez bien jusqu'au bout. C'est la question. C'est vrai que certains s'interrogent. Vous parlez sérieusement, là, ou vous faites de l'humour ? Certains, de temps en temps, se demandent, de temps en temps, détermination. Quoi qu'il arrive, c'est ça ? Écoutez, soyons sérieux, je vous en prie. Sur le plateau de France 2, la journaliste Arlette Chabot reçoit Jacques Chirac et semble lui donner l'extrême onction. Depuis la mi-novembre, le maire de Paris et chef de la droite française s'est déclaré candidat pour la présidentielle. Mais pour l'instant, sa campagne ne décolle pas, ses meetings ne rassemblent pas. Au contraire, et comme vous venez de l'entendre, nombreux sont les journalistes qui pensent tout haut que Chirac n'ira pas jusqu'au bout. La raison, elle tient en un mot, les sondages, oui, les sondages, encore, toujours eux, ces enquêtes statistiques qui donnent à connaître la manière dont se répartissent les intentions de vote, ces instituts qui mesurent l'opinion et qui, au passage, la façonnent. Là, tout au long du mois de janvier 95, ils prédisent 15% des suffrages à Jacques Chirac, talonné par le candidat du Front National et même largement dépassé par celui du Parti Socialiste. Une misère. Mais pourquoi ? Asseyez-vous. En somme, qu'on ne s'y trompe pas. À bon entendeur, salut. Je ne suis pas le candidat du pouvoir sortant et finissant. Je veux être celui de l'avenir. La réponse vient du propre camp de Jacques Chirac. Car au sein même de la famille néo-gaulliste, une autre figure s'impose de manière implicite comme l'alternative au leader en perte de vitesse, c'est le premier ministre en exercice, Édouard Balladur. Et c'est l'opposé de Jacques Chirac. Engoncé dans ses idées comme dans son costume froid et cérébral, ses manières suaves sont celles d'un tueur. Depuis plus d'un an, de toute façon, derrière les rideaux feutrés de la maison RPR, le torchon brûle. Les Balladuriens d'un côté, les Chiraciens de l'autre, les Horaces contre les Curiaces. Si le parti gaulliste a déjà un chef en la personne de Jacques Chirac, il se cherche un roi capable d'emmener ses troupes à la victoire. Oui, mais comment imaginer que le chef du gouvernement puisse concurrencer Jacques Chirac, le candidat naturel de la famille ? Et pourtant, cette idée surréaliste fait son chemin, et très vite, la candidature et la victoire d'Édouard Balladur semblent même acquises. Une situation qui cristallise les tensions au sein du parti gaulliste, évidemment. Vous n'avez pas compris ce qu'il se tue à vous expliquer. Le vainqueur a déjà été désigné, proclamé, fêté, encensé, adulé. Il est élu, il n'y a pas à le choisir, il y a à le célébrer. Donc, ça n'est plus la peine de vous déranger, circuler, il n'y a rien à voir. Si la situation met les Chiraciens hors d'eux, comme ici le président de l'Assemblée nationale, Philippe Séguin, un homme ombrageux, c'est bien que ce qui se joue ce jour-là, c'est une trahison. Oui, car il y aurait eu un pacte entre Chirac et Balladur 2 ans plus tôt. En mars 93, en effet, la droite française remporte avec fracas les législatives. Le PS est pulvérisé, disséminé façon puzzle. Jacques Chirac aurait pu redevenir Premier ministre, mais il refuse, par stratégie en vue de la prochaine présidentielle. Cet homme expérimenté se souvient de la façon dont il est ressorti de la première cohabitation en lambeaux. Ce qui conduit donc François Mitterrand à choisir quelqu'un d'autre, une personnalité acceptable pour la droite et le centre. Enfin, choisir, oui et non. Disons que le président de la République accepte le montage proposé par Jacques Chirac après un accord secret passé entre les deux personnalités de droite, à Édouard Balladur, Matignon et la gestion de la France, pour les 2 prochaines années, à Chirac, le RPR, pour la conquête de l'Élysée en 1995. Mais rien ne va se passer comme prévu. À la fin du mois de janvier, à 4 mois seulement du premier tour des élections, le Premier ministre Édouard Balladur s'émancipe et s'imagine lui aussi un destin présidentiel. Pire encore, à l'hôtel de ville de Paris, les visiteurs se font de moins en moins nombreux, les soutiens sont plus discrets. Le maire de Paris doit se rendre à l'évidence, il est isolé, le roi est nu. Et puis là, contrairement à 1988, il ne maîtrise pas le rythme de la campagne, il le subit. À cela s'ajoute la déloyauté de certains de ses plus proches collaborateurs qui, sentant le vent tourner, basculent dans le camp baladurien. Parmi eux, un certain Nicolas Sarkozy. S'il y avait un seul argument à utiliser ce soir pour convaincre un électeur proche de Jacques Chirac de voter pour Édouard Balladur, lequel serait-ce ? Que ma conviction, aujourd'hui comme hier, c'est que dans le monde difficile, dangereux, complexe, mouvant qui est celui d'aujourd'hui, la seule méthode moderne de gouvernement, c'est celle du dialogue. C'est celle d'Édouard Balladur. Le seul qui a la capacité, la sérénité, la force de conviction pour être président de la République, je les connais bien tous les deux, figurez-vous, c'est Édouard Balladur. Je persiste et je signe et j'espère que j'aurai l'occasion de vous le démontrer. Quelques mois plus tôt déjà, dans les colonnes de l'hebdomadaire Marianne, Nicolas Sarkozy tirait à boulet rouge sur Jacques Chirac avec des propos très durs. L'électroencéphalogramme de la Chiracie est à plat. Ce n'est plus l'hôtel de ville, c'est l'antichambre de la morgue. Chirac est mort, il ne manque plus que les 3 dernières pelletées de terre. Ministre du budget du gouvernement Balladur, Nicolas Sarkozy était jusque-là un intime du clan Chirac. Un ami proche de Claude, la fille du maire de Paris. Voilà qu'il roule maintenant pour le Premier ministre et qu'il le fait savoir, Brutus vient d'entrer en scène. Si ce mois de janvier 1995 tout va mal dans le camp Chirac, à l'inverse, à l'hôtel Matignon, Édouard Balladur rayonne. Les sondages nourrissent tous ses espoirs. Pour asseoir sa stature et marginaliser un peu plus son principal adversaire, il lance une opération séduction à grande échelle sur tout ce que la droite compte de notables et de représentants. Comme l'écrit le directeur éditorial du journal Le Monde, Gérard Courtois, les ministres se retrouvent cajolés, les élus locaux sont choyés, les députés sont gratifiés, les récalcitrants sont avertis. Et en l'espace de quelques semaines, toute la droite, à de rares exceptions près, bien que notables, se range en ordre de bataille derrière le Premier ministre. Au même moment, dans les médias, l'affrontement Balladur-Chirac fait la une et monopolise les débats au point qu'on en oublierait presque que pour cette élection de 1995, il y a 7 autres candidats en lice, parmi eux, Lionel Jospin. Pourtant, rue de Solferino, au siège du PS, on en a mis du temps pour trouver un candidat. Depuis un an, tout le monde misait sur le président de la Commission européenne, Jacques Delors. L'ancien ministre de l'économie avait la faveur des Français dans les sondages. Le problème, c'est que cet homme-là se serait bien vu président, mais pas candidat. Alors, dans une mise en scène poussive à la télé, quelques semaines avant Noël, il annonce qu'il ne se présente pas. Un recul qui le soulage, mais qui met son parti dans un immense embarras. Alors, qui ? Laurent Fabius ? Le choix s'imposait, bien sûr. CV long comme le bras, excellent débatteur, bon tribunicien, mais victime de l'affaire du sang contaminé. Blanchi par la justice, beaucoup de Français ont persisté à l'accuser. Il n'était pas en situation, comme on dit en politique, à l'occasion d'une élection, exit Fabius. Michel Rocard, l'autre grand choix, bien sûr, vif, novateur, connu des Français depuis des lustres. Il a juste eu la mauvaise idée d'être un contemporain de François Mitterrand qui ne lui a jamais laissé d'espace et qui s'est même occupé de lui boucher l'avenir. En témoignent les élections européennes de 1994, où Rocard finit en guenille à la tête de la liste PS qui réalise un score historiquement bas, exit Rocard. Pierre Mauroy alors ? Non, respecté, certes, mais un peu naphtaline comme choix. Et puis, le maire de Lille est un maire à plein temps, exit Mauroy. Voilà qui laisse la porte ouverte à un autre candidat que personne n'avait prévu. Ancien ministre de François Mitterrand, ancien premier secrétaire du PS, il a 57 ans, il n'est plus désormais qu'un simple élu départemental. Mais c'est lui, pourtant, ce candidat a priori résiduel qui va bouleverser le cours de la campagne, et c'est Lionel Jospin. En fait, nous le savons, c'est d'une campagne que ne voudrait pas M. Balladur. Il voudrait qu'on contemple les sondages, puis qu'on le nomme à l'Élysée. Mais même Dieu à supposer qu'il le veuille. Et j'en connais un, vous savez à qui je pense, qui ne le veut pas. Même Dieu ne pourrait pas le faire. Outre Lionel Jospin chez les socialistes, on trouve également sur la ligne de départ, à gauche, Dominique Voynet pour les écologistes, Robert Rue pour le Parti communiste, Arlette Laguiller pour Lutte ouvrière, et déjà un dénommé Jacques Cheminade, mais oui. En face, pour préempter l'électorat très à droite, on trouve également deux candidats, Philippe de Villiers et Jean-Marie Le Pen, qui avaient créé la surprise en 1988 avec plus de 14% des voix. Voilà, ils sont donc 11 à prendre le départ de cette campagne présidentielle de 1995. Dans les sondages, Édouard Balladur fait toujours la course en tête et dispose d'une confortable avance sur le candidat socialiste. Jacques Chirac, lui, est relégué au troisième rang, le pire, le plus frustrant et, en l'occurrence, humiliant. Rares sont les journalistes qui misent sur lui, tant le maire de Paris apparaît isolé, à bout de souffle et à bout d'idées. Qui peut alors imaginer, ne serait-ce qu'un instant, que c'est lui, Jacques Chirac, que les Français enverront à l'Élysée 3 mois plus tard. Février 1995. À l'hôtel de ville de Paris, l'agitation est à son comble. À son bureau, Jacques Chirac réunit ce matin-là sa garde rapprochée, car la situation est grave. Jour après jour, les sondages sont de plus en plus inquiétants. Au premier tour, il n'est donné que troisième, loin, très loin, derrière son principal rival, le Premier ministre Édouard Balladur. Alors, que faire? Comment inverser cette dynamique? Au côté du chef de l'État, un homme de l'ombre met en place une nouvelle stratégie de campagne. C'est Jacques Pilan. Si son visage est inconnu du grand public, il ne l'est pas dans les milieux politiques. On le surnomme d'ailleurs le sorcier de l'Élysée. Car c'est lui, Jacques Pilan, à qui François Mitterrand doit en partie ses deux victoires présidentielles de 81 et 88. Et Pilan en est convaincu. Si Chirac veut l'emporter, il faut changer le fusil d'épaule et surtout changer l'image vieillissante et technocratique du chef du RPR. Première étape, faire de lui le candidat du peuple, et marquer ainsi sa différence avec l'élitisme du clan baladurien. Principal outil, la communication. C'est Claude Chirac qui s'en charge. La méthode, elle aussi, reprise à zéro. Fini les visites express en province pour serrer les mains des militants, faire une ou deux bises, puis rentrer à Paris. Non. Pour gagner, Jacques Chirac doit être le candidat qui vit parmi les Français. Alors qu'il a toujours vécu sous les ordres de la République. Mais bon, c'est de bonne guerre. Ainsi, en l'espace de quelques semaines, les déplacements se multiplient. Chirac, le candidat proche des gens, parcourt la France profonde. Il rencontre, il échange, il analyse, il est au contact de la population, pendant qu'Édouard Balladur, lui, reste enfermé dans ses bureaux de l'hôtel Matignon. Inspiré par un ouvrage de l'économiste Emmanuel Todd, Jacques Chirac trace le cap d'une nouvelle campagne et surtout d'un nouveau leitmotiv qui s'inscrira dans l'histoire politique récente comme l'une des deux plus grandes mystifications de campagne avec le célébrissime « Mon ennemi, c'est la finance » et là, c'est la fracture sociale. Partout où il passe, Jacques Chirac s'emploie désormais à dénoncer le malaise qui frappe la population française, le malaise social. Il parle emploi, il parle chômage, dénonce les impôts trop forts, les taxes trop élevées et ça marche. En l'espace de quelques semaines, il remonte dans les sondages. Dans les médias, les reportages se succèdent, le voilà estampillé produit du terroir. Un produit made in France, à l'image de son mot d'ordre, manger des pommes. C'est moi, en Corrèze, il y a des pommiers qui sont des pommiers qui sont de très grande qualité, il faut bien le reconnaître. Et on fait des pommes pour faire un petit cidre qui n'a pas non plus de grandes prétentions, mais que j'aime bien. La pomme, l'emblème du candidat Jacques Chirac. En campagne, on en voit des vertes et des pas mûres. Les rouges, elles, se mettent à table. Que l'on ait mesuré l'ampleur du phénomène de la pomme dans les campagnes, dans les provinces, dans les banlieues, dans les meetings, on doit la vérité de reconnaître que non. Mais au fond, c'est un produit du terroir pour un homme de terrain et que la pomme donne la pêche, c'est pas si mal comme message politique. Et c'est mieux que la tête de veau. Chacun a sa saveur. Salut. Moi, j'ai des pommes. Ah oui. Pomme, pomme, pomme et... Chirac, le candidat qui vous ressemble. Un slogan politique amplifié par deux émissions satiriques de la télé, les Guignols de l'info et le Babette Show. Jour après jour, les Français découvrent sur leur petit écran les numéros de la marionnette de Jacques Chirac. Ridiculisée ou moquée, notamment avec la pomme, elle aurait pu porter atteinte et nuire à l'image du candidat. Mais non, c'est tout le contraire qui se produit. Les péripéties de son avatar chez les Guignols, un pauvre bougre qui se trimballe avec une demi-douzaine de couteaux plantés dans le dos, rendent le candidat Chirac sympathique et son rival cynique. Ainsi, la campagne de Jacques Chirac repart, puis passe la surmultipliée. Le voilà qui rattrape même un peu de son retard dans les intentions de vote. Le vent tourne et on le sent. Au même moment, à l'hôtel Matignon, les semaines passent. Porté par l'euphorie des sondages, le Premier ministre fait le minimum de déplacements, de meetings ou d'interventions à la télé. Convaincu que son bilan est sa meilleure arme, Édouard Balladur veut s'occuper des affaires du pays jusqu'à la dernière minute. Il entend d'ailleurs assurer la continuité entre son gouvernement et le prochain. Son slogan « Réformer sans fracture ni rupture » en témoigne. Il veut continuer en tant que président ce qu'il a fait et entrepris en tant que Premier ministre. C'est alors que se produit une série d'événements qui vont bouleverser la campagne. D'abord, des troubles étudiants éclatent. Les manifestations sont très suivies et elles écornent l'image du Premier ministre. Mais c'est un scandale politico-judiciaire qui passe la deuxième couche, l'affaire Schuller-Maréchal. Il se trouve que la Cour d'appel de Paris accuse la police et le ministre de l'Intérieur, Charles Pasqua, d'avoir participé à une provocation visant à enrayer l'enquête des juges Alphen sur un système de commission occulte sur des marchés publics en Ile-de-France. Cette fois, c'est l'un des membres les plus éminents du gouvernement Balladur qui est discrédité. Enfin, à plusieurs reprises, le Premier ministre commet des bourdes. Peu à l'aise en public, il négocie très mal sa communication et les Français le ressentent. On le voit, par exemple, dans un reportage de Paris Match avec son épouse, lors du petit déjeuner servi dans des plats en porcelaine et découverts en argent. L'image choque l'opinion. Elle dessert le candidat Balladur. Dans le journal Le Monde, Plantu le représente toujours en roi de France dans son carrosse, perruque Jean-Louis XVI. Très vite, le croire en la France, hymne de la campagne balladurienne, se retrouve en perte de vitesse. Et bientôt, le scénario inimaginable, il y a quelques mois, se produit. La courbe des sondages s'inverse. Jacques Chirac passe devant dans toutes les intentions de vote. Il y a désormais le feu à la maison Matignon. Alors, pour tenter de circonscrire cet incendie, un cordon sanitaire se met en place autour du Premier ministre candidat. Et parmi les premiers à monter au créneau, il y a encore et toujours Nicolas Sarkozy. L'élection, c'est dans un peu plus de 5 semaines. Et je vous garantis qu'on va tout faire pour vous réserver une campagne passionnante jusqu'au bout. Au mois de décembre, vous nous expliquiez tous que Delors était élu. C'était pas à peine de faire l'élection. Au mois de janvier, c'est Édouard Balladur qui est élu. Au mois de février, c'est Jacques Chirac. Et je mentirais si je ne disais que ces sondages nous sont contraires. Quelle est la leçon qu'on en tire? C'est qu'on va se battre. Et on va essayer de convaincre les Français qu'au-delà des sondages, il y a 5 semaines qui restent pour convaincre qu'Édouard Balladur est le président de la République qu'il faut pour la France. Seul à pouvoir prétendre jouer les troubles faits dans les sondages, le candidat du PS, Lionel Jospin, bien sûr, et peut-être le leader du Front National, Jean-Marie Le Pen. Pour y parvenir, Lionel Jospin présente un programme social-démocrate ambitieux. Les sondages le placent en 2e ou 3e position suivant les semaines. Le candidat socialiste ambitionne de faire un score honnête. Jean-Marie Le Pen, lui, attaque tout azimut, surfant sur les affaires politico-financières qui gangrènent la politique. Il dénonce la gauche caviar autant qu'il critique la droite foie gras. Partout où il passe, il déclenche manifestation sur manifestation. Mais déjà, les journalistes notent que ces meetings rassemblent beaucoup plus de monde qu'en 1988. Va-t-il réaliser une nouvelle percée? C'est l'un des enjeux du scrutin. Dimanche 23 avril 1995, après plusieurs semaines de tensions et de pronostics incertains, c'est enfin le premier tour. Au siège de campagne des principaux états-majors, c'est l'état de siège. Balladuriens et chiraciens veulent y croire. Pour chacun des deux camps, être devant au premier tour n'est pas une option, c'est une obligation. Car la bataille des idées s'est transformée depuis longtemps en bataille d'égo, en combat venimeux, et au bout du chemin, ce sera pour l'un d'entre eux une mise à mort. Enfin, l'après-midi, les premières estimations arrivent, et à la surprise générale, la droite n'est pas en tête du scrutin. Non, c'est un autre candidat qui est devant. 36-15, France Inter. La bourse en temps réel sur votre Minitel. Tous les cours, les indices et les marchés. 36-15, France Inter, 1,27€ la minute. Vous écoutez France Inter, au 4e top, il sera exactement 13h. Inter 13-14 en public, Jean-Luc Hesse, Gérard Zenoni. Bonjour. Les états-majors politiques font leur compte à l'issue du premier tour des présidentielles. Jospin en tête, 23,24% des suffrages. Chirac en deuxième position, 20,64%. Ce matin, Édouard Balladur a réuni ses ministres à Matignon. Édouard Balladur qui, dès hier, confirmait son soutien à Jacques Chirac. Comment s'opéreront les reports de voix au sein de la majorité? Jean-Marie Le Pen, lui, ne se prononcera que lundi prochain, 1er mai. D'ores et déjà, sur notre antenne ce matin, il a fait savoir que Jacques Chirac n'était pas sa tasse de thé. À gauche, Jospin a créé la surprise en arrivant en tête du premier tour. Là aussi, on fait les comptes et on appelle au rassemblement. France Inter. Jospin face à Chirac, le candidat miraculé du PS contre le combattant du RPR. Voilà pour l'affiche qui met en balance deux personnalités qu'on avait quasiment enterrées vivantes et qui, dans le même temps, renvoie à ses chères études celui qui, comme dans la chanson de Charles Aznavour, se voyait déjà. 2 semaines plus tard, le 7 mai 1995, après un débat télévisé sans éclat et pour tout dire terriblement ennuyeux, les deux candidats s'en remettent au vote des Français. Jacques Chirac part largement en favori. Car la mort dans l'âme et la colère mal dissimulée jusqu'à demander à ses soutiens de se taire, Édouard Balladur, le vaincu, l'humilié, sa courtoise suffisance, comme l'appelait le canard enchaîné, s'en est allé à Canossa. Dès le soir du premier tour, en effet, il s'est rallié à Jacques Chirac. La gauche, elle, dans un déni de réalité majeure, affirme y croire, même si l'enjeu pour Lionel Jospin est avant tout de concrétiser le bon score du premier tour comme l'esquisse d'un destin qui pourrait être glorieux, qui sait. À 20h, ce dimanche 7 mai 1995, Jacques Chirac est élu président de la République. C'est le début d'un règne de 12 ans qui va s'étaler sur 2 mandats. Parcours chaotique qui commence par une sorte de suicide électoral 2 ans plus tard, une faute de quart qui envoie une majorité de gauche à l'Assemblée. Parcours présidentiel, auréolé par le discours du Veldiv et le refus de participer aux côtés des Américains à la deuxième guerre contre Saddam Hussein. Parcours entaché par le soupçon des affaires qui n'a cessé de rétrograder l'actualité politique au rayon des faits divers. Telle est la trace laissée par Jacques Chirac, le président préféré des Français, nous disent les sondages. Un homme apparemment plus doué par la conquête du pouvoir que pour son exercice. I met him in a crowded room where people go to drink away their gloom. He sat me down, so began the story of a charmless man. Educated the expensive way, he knows his Clara from his Beaujolais. I think he'd like to have been running Craig, but then nature didn't make him that way. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, la campagne présidentielle de 1995, dont nous allons parler avec notre invité, Laurent Geoffrin. Bonjour, Laurent Geoffrin, directeur du journal Libération, notre partenaire tous les 15 jours. Déjà, quand on vous parle comme ça de cette élection de 1995, quels sont les souvenirs qui vous reviennent immédiatement? Qu'est-ce qui était pour vous le marqueur, y compris d'ailleurs personnel, hein, dans l'exercice de votre métier à ce moment-là? Vous étiez à l'Obs, je précise que vous étiez à l'Obs à l'époque. Absolument. Non, mais j'ai un souvenir personnel précis, parce que je faisais partie d'un petit club de gens qui se réunissaient une fois par mois, qui s'appelait Phares et Balises, et qui réunissait des intellos, des journalistes souverainistes pour les uns et européens pour les autres. Et ce club invitait souvent des hommes politiques. Et ce club avait invité Chirac. Et c'était dans une petite librairie de la rue de l'Odéon, qui était dirigé par Jean-Claude Guibaud, qui est un journaliste que vous connaissez sans doute. Bien sûr. Et un écrivain. Et donc Chirac est venu, il s'est assis modestement, on lui a donné deux, trois petits fours. Il a fait une petite déclaration. Puis là, au milieu de la séance, il y a le sociologue que vous avez cité, Emmanuel Todd, oui, qui lui dit, et Chirac était au plus bas à ce moment-là, c'était à la fin de l'automne 94. Et Todd lui dit, mais monsieur Chirac, je pense que vous serez élu. Alors évidemment, ça fait une petite stupeur comme ça dans cette mince assistante qui voyait les sondages, qui étaient écrasants pour Balladur. Et Chirac répondait, ça m'intéresse. Et donc, Todd a dit, ben voilà, j'ai fait un papier pour la Fondation Saint-Simon, qui était une fondation sociale libérale, enfin, bon, dans laquelle il expliquait que le thème central qui touchait les Français, l'état réel de la société, c'est qu'il y avait une fracture. Et donc une fracture sociale. Et Chirac a écouté, a pris des notes, et puis il a dit à Todd, bon, est-ce que vous pouvez m'envoyer votre papier, ça m'intéresse beaucoup, etc. Et ensuite, il a fait distribuer le petit opuscule de Todd à tous ses adjoints, à tous ses conseillers, etc. Et puis il en a tiré manifestement, alors pas seulement de ça, parce qu'il avait fait avant, on l'oublie ça, il avait fait un tour de France, oui, très long. Et c'était pas des meetings, c'était des petites réunions en petits comités avec toutes sortes de gens, puissants ou misérables. Il écoutait constamment les gens, il avait beaucoup d'empathie, comme on sait, donc il était très, très convaincant dans ce rôle-là. Et donc, il avait compris que ce que Balladur n'avait pas compris, c'est-à-dire que le thème central de l'élection, il y a toujours un thème central dans une élection, le thème central, ce serait ce qui préoccupait vraiment l'opinion au-delà des sondages, c'était les difficultés sociales, puisqu'on sortait d'une récession de 93, et elle était toujours à l'œuvre, elle était toujours très très dure pour beaucoup de gens. Donc et ça, il a compris ça. Vous nous racontez en fait les coulisses d'un succès, les coulisses du moment où finalement ça bascule, hein, la fracture sociale. Ça bascule pas encore, mais c'est là où le thème principal de Chirac prend corps. Alors, la personnalité de Jacques Chirac, on la connaît évidemment dans les médias, et hors médias, on sait comment il est. On connaissait moins Édouard Balladur, c'était un personnage qui, officiellement, dans les médias, à la télé, était plutôt engoncé quand même, hein. c'est pas rigolo. Mais apparemment, vous l'avez vu en coulisses pour des interviews, comme tous les journalistes. Quelle personnalité était-il vraiment, Édouard Balladur? C'était un grand bourgeois, plutôt sympathique, assez drôle, avec un certain humour, un humour anglais, comme on dit, qui était très aigu et très précis dans ses analyses, très compétent. Qui avait un sens du social, contrairement à ce qu'on croit. Mmh. Et on voyait bien dans son parcours, on le voyait, puisqu'il avait été conseiller social du Premier ministre Pompidou en 1968. Donc c'est lui qui avait préparé l'accord qui a permis au gouvernement de se tirer du mauvais pas de 68, et avec la CGT. Et donc il connaissait très bien les questions sociales, mais il n'avait pas perçu qu'il y avait un vrai problème dans ce domaine sous son mandat à lui, sous son mandat de Premier ministre. Et il était extrêmement populaire, parce que les gens pensaient qu'il était compétent, ouvert, moderne, social, libéral, etc. C'était un vieux Macron, si vous voulez, d'une certaine manière. Alors il y a peut-être une influence donc de François Mitterrand. Alors François Mitterrand a confié parfois que quand il voyait Édouard Balladur, c'était pour lui le symbole, hein. On est bien dans la symbolique de l'enterrement, quelque part. Et quand il voyait... Il avait toujours l'impression que Édouard Balladur venait lui donner l'extrême onction. Il l'a dit, Mitterrand. Alors qu'il a vu en Jacques Chirac peut-être quelqu'un de blessé qui devait repartir au combat. Et racontez-nous cette anecdote à la mairie de Paris. Alors, il y a une inauguration et à un moment donné, bon, en tout cas, François Mitterrand emmène Jacques Chirac dans son bureau. Et Édouard Balladur reste sur le parvis de l'hôtel de ville. Donc il y a une symbolique très forte. Est-ce que François Mitterrand a eu une influence sur le résultat de cette élection? C'est difficile à dire, franchement. Parce que je ne crois pas qu'il soit intervenu. Il a peut-être distillé ici, là, deux, trois signaux, mais... parce qu'il n'aimait pas Chirac non plus. Hein. C'était même une... On se souvient du débat qui avait eu lieu en 88, au moment de sa réélection, qui était terrible. Mais c'est vrai qu'il devait considérer que Chirac était quand même un homme politique plus de terrain, plus proche des gens, et que Balladur avait un côté aristocratique qui lui déplaisait, je suppose. Mais j'en sais pas plus là sur cette entrevue. Alors, parmi les informations qui ne sont toujours pas officielles d'ailleurs, est-ce qu'il y a eu vraiment un pacte deux ans avant, en 93, entre Chirac et Balladur? Chirac, à moi la présidentielle, Balladur, à toi la gestion de la France pendant deux ans. Et tu viens pas... Je crois pas qu'il y ait un paquet de signé, mais c'était le contrat, évident. Évidemment le contrat. Chirac a pas nommé quelqu'un en se disant, il va me remplacer, il va prendre ma place. Il a nommé Balladur parce que c'était son ami, son fidèle, celui qui avait théorisé la cohabitation et qui avait dirigé le ministère des Finances sous sa direction, un Chirac. Et donc, il considérait que c'était un fidèle, un ami de 30 ans, comme on disait. Et donc, il n'avait aucune... il l'a dit, d'ailleurs, après, il a dit, mais j'ai mis beaucoup de temps à m'apercevoir que Balladur me trahissait. Puisque les gens autour de lui lui disaient, vous savez, Balladur, faites attention, il est en train de manœuvrer. Il voulait pas l'entendre, ça. Et il voulait pas l'entendre. Il disait, ben non, Balladur, c'est mon ami, il n'y a pas de raison de penser ça, etc. Et puis, bon, il a découvert sur le tard, quoi, que l'autre avait pris la grosse tête et qu'il voulait lui prendre sa place. Donc, il y a une certaine forme de trahison, il y a une lutte fratricide, c'est le moins qu'on puisse dire. Ah oui, parce que la droite a été complètement coupée en deux. Voilà, et puis il y a des alors que la dissension idéologique était faible, hein, entre les deux. Bien sûr, on voit beaucoup de responsables politiques du RPR à l'époque qui sont dans une situation infernale. Et on les regarde d'ailleurs avec un sourire un peu sardonique, nous les journalistes. On se dit, tiens, est-ce que lui, il va aller vers qui? Vers Chirac ou Balladur? Parce qu'il y a leur carrière qui se joue. Également, on va écouter, si vous voulez bien, Laurent Geoffrin, ce qu'en disait la journaliste Élise Carlin à l'époque. Voilà, elle donne une idée de la tension qui règne entre les deux candidats du RPR et surtout de leur soutien. Écoutez. Édouard Balladur a décidé d'utiliser tous les accessoires qui vont avec la panoplie du candidat, à commencer par les grosses méchancetés dont il régale désormais son rival gaulliste. Démagogue, homme du passé, le candidat Premier ministre qui met un soin jaloux à ne jamais donner de nom, ne recule plus devant l'attaque. Toutes les occasions sont bonnes pour dénoncer les fausses promesses, les mirages et autres illusions. Hier soir sur M6, le candidat Balladur soulignait encore que la politique n'était pas une comédie, tandis que son porte-parole Nicolas Sarkozy se gaussait ce matin des fariboles racontées par le candidat Chirac. Une contre-offensive en ces temps difficiles qui inquiète les Chiraciens, très occupés depuis deux jours à circonscrire les flammes. Tandis que François Baroin dénonce l'agressivité grandissante d'Édouard Balladur, Alain Juppé met en garde contre les débordements de la campagne. Un professionnel doit savoir garder son sang-froid, on n'a pas besoin d'amateurs, estimait ainsi hier le ministre des Affaires étrangères, accusé tout à l'heure par son collègue de l'Intérieur de combattre le Premier ministre. Jacques Chirac lui-même n'a pas esquivé le coup, déplorant les propos très agressifs d'Édouard Balladur à son encontre. Une véritable partie de ping-pong verbal où les ripostes succèdent aux ripostes. Accroché à son image de rassembleur qu'il a porté au pinacle des sondages, le candidat maire de Paris tente, lui, de calmer les mauvaises langues maintenant et exclut tout esprit de revanche s'il est élu. En attendant, il a découvert ce week-end que les amateurs savent aussi emprunter leur méthode aux professionnels. Alors, deux ans plus tard, donc Chirac est élu en 1995, deux ans plus tard, il y a cet épisode surréaliste de la dissolution, 1997, donc il envoie directement la gauche à l'Assemblée nationale et qui lui donne une majorité. Est-ce que cette dissolution, deux ans après, elle a encore à voir avec cette rivalité au sein du RPR? Est-ce que Jacques Chirac se dit, j'ai une majorité, mais elle n'est pas forcément loyale? Est-ce que c'est ça? Ça a à voir directement, ça a à voir pour une raison. Très simple, c'est que Chirac fait campagne sur la fracture sociale. Pendant l'été, il ne se passe rien ou pas grand-chose. Et puis, en septembre ou en octobre, je ne sais plus, il y a des hauts fonctionnaires qui viennent voir le président et disent « Voilà, on ne passe plus, on va voir un déficit, il faut prendre des mesures. » Et Chirac, qui croyait à moitié à son propre thème, dit « Bon, bah oui, c'est vrai, ça ne va pas, on change. » Et il a fait un discours pour dire « Ben voilà, enfin, il a dit en substance, tout ce que je vous avais dit pendant la campagne, ça ne tient plus, on n'a plus d'argent, maintenant c'est la rigueur. Et c'est l'Europe qui nous rappelle à l'ordre, parce qu'il faut qu'on maintienne le déficit. Les fameux 3%, voilà. Critères de convergence. Exactement. Et alors là, à partir de là, tout l'électorat populaire qui avait voté pour lui comprend qu'il s'est fait avoir. Et c'est un revirement, alors là, mais il n'a même pas expliqué. Il dit, voilà, il n'y a plus d'argent, donc on fait ce qu'il faut faire. Il a peut-être raison, là, j'en sais rien, mais enfin, en tout cas, il dit le contraire de ce qu'il avait dit six mois plus tôt, pendant la campagne, et grâce à quoi il avait gagné. Et donc, à ce moment-là, sa popularité s'est effondrée. Et puis, un peu après, Juppé, qui veut reprendre la main, il sent bien que ça marche pas très bien, Juppé, donc, est son premier ministre, dit, on va faire une grande réforme de la sécurité sociale et des régimes spéciaux. De retraite. De retraite. Alors, la sécurité sociale, ça va encore. Mais alors, les régimes spéciaux, ça touche directement les intérêts des cheminots, par exemple. Et lesquels cheminots se mettent en grève. Et cette grève paralyse les transports pendant un mois entier, au mois de décembre 95. Et cette grève est populaire. Alors que ça paralyse les transports. Et donc, on s'aperçoit que, effectivement, le thème de la fracture sociale, utilisé pour tuer Balladur, se retourne comme un boomerang contre Chirac, parce que il fait pas ce qu'il avait dit. Et le mouvement social a toutes sortes de conséquences. Ça remet la gauche en selle, ça valorise les syndicats, notamment la CGT, et ça laisse Chirac groggy. Et après, il n'arrive plus à gouverner. Enfin, il n'arrive plus à faire ce qu'il veut, etc. Et en plus, les Balladuriens qui n'a pas associé au gouvernement sont plutôt contre lui, en tout cas ne l'aident pas du tout. Donc sa propre majorité est divisée et il a en face de lui un pays rétif. Et donc, et il y a encore un haut fonctionnaire qui vient le voir en disant, vous savez, la croissance, ça va très mal, ça va continuer comme ça, vous allez vous faire battre, implicitement, vous allez vous faire battre à la prochaine élection, il faut faire quelque chose. Et Juppé et Chirac pensent qu'il vaut mieux dissoudre tout de suite, plutôt qu'attendre l'échéance normale, parce que s'ils attendent, comme l'économie va mal, ils vont perdre. Tandis que s'ils font tout de suite, les sondages aidant, ils se disent, si on le fait par surprise, la gauche aura pas le temps de s'organiser, on va gagner. Et là-dessus, c'est comme Balladur, il leur arrive ce qui est arrivé à Balladur, ils partent avec des sondages très hauts et puis les sondages s'effondrent et c'est Jospin qui gagne. Alors, la lutte fratricide dont nous venons de parler, elle a des prolongement, mais assez longtemps d'ailleurs, elle a marqué la famille politique de droite. Est-ce qu'on peut dire que, par exemple, qu'une affaire comme l'affaire Clearstream est peut-être l'une des dernières illustrations, on a une sorte de complot, hein, quand même, de la Chiraquie contre Sarkozy, ça échoue lamentablement. Donc on voit bien qu'il y a encore ces deux camps-là. Ces deux camps existent jusqu'à l'élection de Sarkozy, même après. Même après Oui, parce que la référence à la figure de Séguin, par exemple, est très importante. Séguin avait été un des principaux théoriciens, un des principaux acteurs de la remontée de Chirac. Hein, on vous avait passé un extrait, oui, de son discours, absolument, qui est très drôle. Et donc la fracture demeure. Et effectivement, ça a des prolongements dans le pro ou l'anti-sarkozisme d'un certain nombre de gens de droite, comme Jean-Louis Debré, qui était un chiracien fervent et qui était un anti-sarkozien fervent également, même s'il était dans le même sérail. Et donc, alors Sarkozy a essayé de réconcilier un peu tout le monde, mais il n'a pas réussi. Et donc, sa déconfiture finale tient aussi à ça. Donc ça veut dire et ça se prolonge encore aujourd'hui. C'est-à-dire que le même thème... Malgré l'élimination de Nicolas Sarkozy pendant la primaire de novembre dernier, oui, ça ne s'arrête pas avec ça. Ça continue en ce sens que le thème du peuple contre les élites, qui a été mis en scène par Chirac, finalement, oui, à droite, de la manière la plus nette. Oui, avec la fracture sociale, bien sûr. Avant, c'était le Front National qui faisait ça, mais Chirac l'a repris à son compte. Sur une base tout à fait différente, européenne, bon, enfin, ouais, c'est le même thème. Et aujourd'hui, c'est le même thème, c'est-à-dire que Marine Le Pen joue là-dessus, beaucoup de Mélenchon a joué là-dessus, à l'autre bout de l'échiquier politique, et ça perdure. Mais ça perdure pourquoi ? Il y a une raison de fond, c'est que les gens qui se succèdent au gouvernement, que ce soit Balladur, Chirac, Sarkozy ou Hollande, ils n'ont pas réussi vraiment... Même s'ils ont fait des efforts, ils ne sont pas de mauvaise volonté, mais ils n'ont pas réussi à refermer cette fameuse fracture sociale. Et donc le thème de 95 est toujours béant. Il y a eu des bonnes et des mauvaises campagnes, ou disons des campagnes meilleures que d'autres, dans l'histoire de la présidentielle française. Celle de 1995, elle se situe comment par rapport à l'ensemble des campagnes finalement? Qu'est-ce qu'on retient? On retient essentiellement cette lutte fratricide. Il faut retenir ce que vous n'avez pas eu le temps de mettre, j'imagine, c'est que Chirac a cristallisé sa remontée par un grand discours. Lequel? Un grand meeting. C'est en février. En février 95, ou en janvier, je crois que c'est en janvier. Oui, janvier-février, que les courbes se croisent. Il fait un très grand discours, très bon, largement inspiré par Séguin, peut-être par Guénot d'ailleurs aussi. Et c'est un discours sur la fracture sociale et je me souviens plus exactement des termes. Mais ce jour-là, beaucoup de gens comprennent qu'il va gagner. Quoi, parce qu'il a suscité la ferveur des militants du RPR, qui finalement vont lâcher Balladur et il a eu un écho public énorme. Et on croit toujours que les discours, comme ça passe pas directement à la télévision, il y a des petits extraits à la télé, on croit que ça n'a pas beaucoup d'influence. Et en fait, si. C'est complètement faux. À chaque fois, depuis 95, la campagne est marquée par un discours ou deux très importants, comme le discours du Bourget pour Hollande. Celui de Nicolas Sarkozy. Le discours de Sarkozy en janvier, par exemple. Absolument, juste 2007. Avant l'élection, en 2007. Et même les discours de Ségolène Royal, ils avaient un côté un peu parfois incontestable, mais ils ont marqué la campagne, ces discours un peu mystiques. Là. Et alors, ça n'a pas forcément beaucoup servi, mais ça a marqué les gens. Merci Laurent Geoffrin, à bientôt. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la présidentielle de 95, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles.